dernier épisode. Non. De la saison 1. Come on. Et oui, l'épisode numéro 14. Nous y sommes enfin, mais ce qui dit dernier épisode dit aussi fin de la saison. Donc, en fin de semaine sera pour la grande majorité des ligues le dernier match de la saison régulière et le début des séries la semaine prochaine. Mm-hmm. Ça a passé vite. Mais qui dit la saison dit régulier au podcast. Évidemment, Mathieu Robert. Bonsoir, messieurs. Bonsoir. Et selon un sondage léger, Lord Marketing, Marc-Olivier Jean. Bonjour! A été bonjour. Élu, bonjour. Oui, élu. A été élu comme personne à venir trois fois cette saison. Honnêtement, c'est un honneur. Je viendrai à chaque semaine, vous le savez déjà. On va peut-être te faire une place. Jason Moore. Hein? Ouais, on est pas le temps de la renommée, là. Tu sais, mettons un cadre ici, je sais pas. Mais vous pouvez nous faire des chroniques en semaine, tu sais, sur la route. Tu vas rencontrer les gens, mettons, tu sais, le dimanche, puis là, tu vas les interviewer, puis on les interview live pendant le podcast. Moi, je suis ouvert à tout, hein. C'est ce podcast-là, là, c'est the sky's the limit. Tu sais, de temps, tu pognes Ninja en train de perdre une semaine. Puis là, tu l'interviews. Comment ça va, hein, cette semaine? A win is a win. Merci, Ninja. On passe au prochain. Pourcentage de victoire, Ninja. Tes points pour. On t'aime bien, Ninja. Alors, mention spéciale à coach Marcille, DG Marcille, oui? Qui a remporté la saison dans la TMT officiellement, mathématiquement parlant. Donc, 3 ans de l'or, je vais en dire dans ses poches, mais ça va être dans son char, dans sa dette mobile. Et c'est très serré dans la TMT. Oui. Il y a beaucoup d'équipes qui vont se jouer en fin de semaine. Sauf Florent. qui est déjà éliminé. Êtes-vous nerveux? Moi, un peu. C'est moi qui ai salé. Je suis huitième, puis j'en ai trois dans le cul. Puis c'est pas simple. Là. On en parlait un peu avant. Là. Il faut 35 points, 40, une victoire, une défaite, pas de nul. Là. C'est compliqué, mais ça rend la saison excitante, moi, je trouve. Ouais. C'est mieux ça que... Puis même Will qui gagne chapeau. Il m'a battu, moi, d'ailleurs. Là. Il m'a bien eu, mais Will qui gagne à l'avant-dernière semaine. Il n'y a pas eu d'équipe à 10-1, puis... 9-0. C'était une belle saison. Ouais. Ça va être serré. Un gros dimanche de foot qui est devant nous, je pense. Puis les séries vont être palpitantes aussi. Ben, ça va être serré. On saura pas. Le 8 peut battre le 1. Le 7 peut battre le 2. Tout va se passer là. Ouais. Donc, parlant de séries éliminatoires, en fait, ben, c'est là où, comme Mathieu dirait, c'est là qu'on reconnaît les grands. Hein? T'as beau faire des grandes saisons comme Carey Price, tant que t'as pas de bague, t'es pas un vrai champion. C'est vrai. Alors, puisque les séries s'en viennent, on va en parler et on va vous poser des questions rapidement un peu à tout le monde et on jase autour de ça des séries pour essayer d'aider les gens dans leur ligue à savoir qu'est-ce qu'on fait dans quelle situation. Mathieu, t'es prêt? Ben oui, vas-y, Félix. Alors, qu'est-ce qu'on fait si on a un clinch? C'est quoi un clinch? Un clinch, c'est quand on a un bail dans le fond. Non, c'est pas un bail. Quand on sait qu'on va faire les séries. Exact. Ok, c'est ça que tu fais. Tu es assuré de faire les séries, un peu comme, mettons, Will. Will en ce moment. Donc, qu'est-ce qu'on fait si. Dans le fond, en termes de dernière semaine d'activité. Ouais. C'est ça. Qu'est-ce que je fais? Moi, perso, si j'ai un clinch qui change rien. Ouais. Mais ça dépend. Est-ce qu'on veut aller regarder? Là, nous, c'est tellement serré que tu sais pas qui t'affronte. Moi, sachant ça, que c'est free-for-all, moi, je pense que j'essaye des gars. Tu sais, pourquoi pas essayer de quoi ça change? Ben, en même temps, c'est ça que tu viens de le dire, ça change quoi? Mais je sais pas, juste pour le fun, moi, j'irais. Moi, c'est comme si tu disais, oh, on va reposer des gars. Ouais, moi, dans la vraie vie, ils jouent pareil, le boy. Je le vois comme ça, on dirait. Mais non, honnêtement, ça change rien, à moins que les avancées du groupe calculent. Bon, moi, j'ai. Tu sais, mettons, JP, personne n'a le goût de l'affronter. Bon, ok, je calcule de quoi, il faut pas trop que je fasse de points. Mais sinon. Oui, ben, 13, moi, la question, je trouve, c'était plus orienté vers qu'est-ce qu'on fait avec notre banc. Parce que de mettre n'importe qui sur le line-up, mettons, Will affronte JP cette semaine, mais ça avantage JP. Ouais, donc là-dessus, je suis moins d'accord. Moi, c'est de savoir, est-ce que le banc, exemple, on va chercher un QB pour streamer semaine 15, est-ce qu'on va chercher une défensive de plus? Ou on va-tu chercher des handcuffs? On va-tu chercher des gars qui pourraient exploser en série? C'est de savoir un peu comment on oriente notre équipe. Ça dépend toujours du potentiel de l'équipe. T'sais, Will, il est pas à l'abri des blessures, donc il va aller chercher sûrement un handcuff. Est-ce que sa défensive est bonne pour 3 semaines? C'est rare qu'une défensive est bonne pour 3 semaines. Donc, d'en mettre une sur son banc, ça peut être bien. Là. Ben, moi, à travers toutes les saisons, je suis pas nouveau là-dedans, là, mais vous non plus, à travers toutes les saisons, s'il y a un truc que j'ai remarqué, c'est que tu vas souvent gagner avec le bas de ton alignement. Dans Big League, oui, OK, mettons, je performe pas ou quoi que ce soit, mais j'ai quand même 3 défensives. C'est beaucoup, on a une place de plus sur notre banc, mais défensive, quelqu'un, je trouve que t'apportes un important point. Moi, selon moi, c'est ce qui va te faire gagner le 5-6 points de différence, peut-être, quand t'arrives en finale, quand t'arrives en demi-finale. Oui, mais ça dépend de l'espace que t'as sur ton banc. Tu sais, mettons, Richard Matthews, là, moi, je l'ai droppé justement dans ce sens-là. Exactement comme tu l'as dit, j'ai usé de mon clinch un peu, là, si je peux dire. Je me suis dit, je vais aller streamer un QB. J'ai laissé aller Richard Matthews, mais Richard Matthews, il est startable, il peut être, il a des bons match-ups, etc. Fait que ça dépend de l'espace, mais ton point de défense, c'est quelqu'un, moi je suis 100% d'accord, il faut que tu regardes les match-ups, t'as pas le choix. Ouais. Même jusqu'au weak size, je suis pas là, weak size, là, si tu te rends, il faut tout le temps y aller hypothétiquement. Si je me rends, il faut que j'ai la meilleure défensive. Là, c'est toi. Ça, faut que tu y penses là. Absolument, ben, oui. Je compléterais ça, puis ça va passer un peu à la deuxième question après. C'est moi, je pense que dans ceux qui mènent dans leur ligue, peu importe si ça fait 2 semaines qu'ils sont déjà qualifiés ou mettons juste une personne est qualifiée, je pense qu'ils doivent jouer quand même honnêtement parce que, mettons, par exemple pour nous, les points sont tellement serrés que si quelqu'un décide de ne pas jouer ou de mal jouer, les points pour les points contre peuvent avantager ou désavantager quelqu'un. T'sais. Fait que je trouve juste... T'sais, j'aimerais ça que ça reste honnête en termes de qui se qualifie pas versus une performance de « Ah, ben, je voulais pas » ou t'sais, ainsi de suite. Ouais, je comprends votre point. À bien y penser, vous avez raison. Mais t'sais, par exemple, moi, Duke Johnson, je l'ai mis monter running back 2. J'ai benché à Jay, tu sais. Vous allez me dire, ça changerait, les gars jouent pour vrai, mais on dirait que, tu sais, c'est peut-être aussi juste pour voir mon line-up fait comment, de X façon. Tu sais, moi, je l'ai essayé comme ça parce que en flex, je vais mettre bon à Goller ou je vais mettre un autre receveur ou quoi que ce soit. Qu'est-ce que mon line-up fait avec ça? Mais effectivement, je suis d'accord avec vous que c'est tellement serré qu'il ne faut pas être malicieux à travers non, ça non plus. Ça. Donc, qu'est-ce qu'on fait si on est encore dans la course aux séries, comme la grande majorité des gens? On joue son meilleur. Là, ça dépend t'es situé où, là, dans le sens que, mettons, Mathieu en ce moment a plus de chances que moi de faire les séries, mais Mathieu a pas nécessairement... tu sais, il peut pas jouer une petite équipe ou... Tu sais, il veut y aller pour quand même la grosse victoire parce que les points pour jouent. Qu'est-ce qu'on fait? On met tous nos meilleurs joueurs en pensant que c'est ça qui va marcher? Moi, c'est une excellente question. Puis, qu'on soit week 13, 14, 15, 16, quand tu fais les séries, ça reste la même question que je suis intéressé de savoir ce que vous en pensez. Est-ce qu'on joue le match-up? Ouais. Est-ce qu'on joue le match-up? C'est la grosse question. Au sens où, est-ce que mon match-up est meilleur? Ben j'y vais avec ça, même si le gars il m'a rapporté 3-4 victoires cette année. Si je me bats encore, moi, je joue le match-up. J'ai pas le choix. Je joue le match-up. Moi, je pense qu'il faut y aller avec les valeurs sûres, puis... dans ton line-up, des fois, tu as des gars qui, justement, les match-ups sont pas favorables. Donc, d'aller voir si tu as d'autres personnes ailleurs que tu peux aller chercher ou sur ton banc que, des fois, peut-être que tu ne starterais pas, mais le match-up cette semaine, il est favorable. Moi, cette semaine, dans la Big League, oui, je suis qualifié, mais je joue quand même à 100%. Je pense que je vais bencher Demaryius Thomas, qui me fait un peu chier depuis quelques temps, au profit de Doxon, qui affronte Dallas. Puis mon flex, je vais mettre Jared Cook. Ok, mais je te repousse, je te relance. Si on était week 14, là c'est sérieux, est-ce que tu ferais les mêmes moves? Ben, ou est-ce que tu irais safe et tu dirais, bon, regarde Demaryius Thomas? Mais ben, je ferais que les mêmes moves si c'était les mêmes match-ups. Exact, oui, c'est ça. Okay. C'est, oui, donc tu irais match-up, ok, je comprends. Ouais, c'est ça. Faut prévoir un peu d'avance. Oui, les gars, faut regarder les noms, mais en même temps aussi, si t'as un gars sur ton banc qui est peut-être un petit peu moins fort selon le nom, mais qui a un excellent match-up, exemple. Mais ça prend des gosses. Philip Rivers, ouais. Au lieu de, je sais pas moi, Russell Wilson qui affronte Philly cette semaine. Ouais. Je sais pas, c'est à réfléchir. Non, c'est un bon point, puis ça va amener justement à l'autre question d'après. Tu as vraiment des bons liens dans tes questions, Mathieu. Je sais, c'est ça. Ouais, très fort. Alors, si premier match des séries, on affronte le gagnant de la Ligue ou le deuxième de la Ligue, les deux théoriquement plus forts, qu'est-ce qu'on fait? Go big or go home? Ou on y va très stratégiquement, position par position, essayer de gagner les match-up? Là, en fait, t'as pas le choix d'y aller stratégiquement. On l'a vu l'an dernier, tu sais, Will, c'est quoi qu'on dit, il a fini 5-8, quelque chose comme ça, il a gagné la série. La série, c'est complètement différent. C'est que oui, t'as bâti ton équipe, mais justement, si tu l'as bâti intelligemment en fin de saison, t'as le match-up qui est cool, qui est bon au niveau de kicker, au niveau de défense. Puis moi, je pense que t'as pas le choix de jouer les match-up. Là, vous allez me dire, Mo, est-ce que tu semaine 14, parce que bon, je fais les séries, est-ce que semaine 14, tu vas bencher Russell Wilson contre Jacksonville, à Jacksonville, pour mettre Tyrod Taylor à domicile contre Indy? J'y pense encore. C'est une grosse question, mais en série, il faut que tu joues les match-ups. Le gars me rapporte 24 points par match, mais il joue contre la meilleure. Est-ce que, tu sais, moi, je pense qu'il faut jouer les match-ups, mais ça prend du guts. Est-ce que moi, en ce moment, j'en ai pour faire ça? Je suis pas sûr. Pas pour vrai, j'ai pas lancé. Mais semaine 14, tu mets-tu Wilson ou Rivers? Je sais pas. Oh, ou Rivers? C'est qui que t'as dans la ligue? Ah, oh, Tyrod Taylor. Ouais, c'est ça, exact. Moi, je suis allé chercher Tyrod Taylor, un peu ce qu'on disait. J'ai ouais, mais je pense que Rivers a une bonne semaine 14. C'est, aussi. Ouais. C'est Rivers, ouais. C'est le meilleur corps des séries en temps de match. Ouais, ouais. Classe, mais tu sais, est-ce que je vais vraiment mettre Tyrod Taylor? Même si je sais pas. Je trouve que c'est risqué. Moi, je suis un gars conservateur. Est-ce que je vais y aller avec le gars qui me fait mes points? Je sais pas, mais moi, je pense personnellement, il faudrait demander à Will ou du monde justement. Qui aimait moi, l'année dernière, je l'avais gagné en jouant les match-up, mon autre ligue. Ouais. J'ai joué les match-up. Mais je pense aussi, il faut que tu regardes, mettons, t'es 8e, il faut que tu regardes un peu ce que le 1 te propose. Ouais. Tu sais, si, exemple. Au niveau de lui, son alignement. Ouais, ce qu'il propose ouais. Pour essayer peut-être de le bloquer ou d'essayer de voir un peu comment on peut le compléter. Puis ton flex, si t'es 8e, bon, t'es pas favori. Donc, moi, je mettrais pas un running back. J'irais avec un gars qui peut te faire un... Ah ouais, tu mettrais un receveur directement? Ouais, exemple. C'est ça, un coup de circuit. Quand on parle de coup de circuit, c'est un gars, je sais pas, un receveur, un Cooper, par exemple. Ouais. S'il vient au jeu puis il a un bon match-up, peut-être qu'il va te faire zéro, mais comme dirait Félix, go big or go home, tu vas avec un 0 ou un 20, ça pourrait ouais. Te faire gagner. Mais ton point d'aller voir l'autre équipe, c'est vrai que tu sais c'est... Mettons, enfin, cette semaine, moi, comme je disais, j'affronte Keenan Allen dans mes trois ligues. Mettons qu'on met ça en mode série. Ouais. Il me faut Rivers. Là, bon, j'ai réussi à aller le prendre dans une ligue, mais il faut amener que tu égales la chose. C'est un bon point. Est-ce que je me fie juste à ça? Non. Avez-vous... ouais, okay, on va passer à la prochaine, ça va faire le lien. Vas-y, pose ta question. Non, mais c'est correct. On va revenir. bon, on va y aller pour la question plus éthique de ligue maintenant. Quelqu'un qui a fini, qui drop tous ses joueurs et ou qui laisse l'autre gagner par association fictive ou frère, sœur. Non, tu peux pas faire ça. Commish TMT? Non, tu peux pas faire ça. Commish Big League, moi, tu fais pas ça, tes chances, tu passes au vote si tu reviens ou non l'année prochaine. Ah non, moi, y a pas de vote, là, tu reviens pas. C'est pas éthique. Toi, t'es plus rough, là. C'est pas éthique. C'est pas éthique. Puis la crédibilité de la ligue est juste détruite après ça. C'est un non-top. Non, ça, c'est. Next. On va sauter celle-là parce qu'on en a parlé pas mal, mais les handcuffs. Des gars qu'on a, est-ce que ça vaut la peine d'aller les chercher là, pour les séries? Oh, que j'aime pas ça, moi, on dirait. J'ai pensé le pire tantôt en faisant mes waivers, mon autre ligue qui est demain. Tu sais, Alfred Blue, Lamar, on a checké la game un peu. Oh, il est coussi, coussi, je vais te chercher, Alfred. Tu sais, moi, je me dis, je dépense-tu quelqu'un qui est sur mon banc depuis longtemps, que je tiens, un genre de Kenny Stills ou Richard Matthews, comme je disais, pour aller chercher Alfred Blue? Moi, non. Moi, je suis pas pauvre. Mais si ton banc est pauvre, oui. Mais ça dépend aussi du running back. Exemple, Ekelers pour Gordon, je pense que ça vaut la peine. Le gars qui remplace Bell, je ne sais pas son nom, je ne me rappelle jamais. Mais ça... Je pense que ça vaut la peine parce que c'est des équipes qu'ils vont mettre toutes sur un running back. Ouais. Mais c'est moi ça ou c'est un espèce de... C'est chien, là, mais je me croise les doigts que ouais. Le gars il se blesse mannequin. Mais écoute, c'est au poker quand tu attends la carte. Là, ouais. Ouais. Tu sais que tu mises tout pour la... C'est un peu ça. Mais toi, tu le ferais aller chercher un espèce d'Alfred Blue? Non, Alfred Blue, ça ne vaut pas la peine. Moi, je pense pas, mais non. Comme je te dis, ça dépend des équipes. Est-ce que, exemple, Fournette, il se blesse, Ivory ou Yeldon vaut la peine? J'en ai un pour vous, les receveurs de Oakland, Seth Roberts puis Cordarrelle Patterson. Roberts, ça vaut la peine. Ouais, okay. Patterson, non. Okay. Mais receveur, c'est plus tough parce que c'est plus facilement remplaçable aussi. Ouais. Fait que, voilà. Dernière question qui n'est pas là-dessus, mais ça m'a fait penser quand tu m'as dit quand tu m'as dit sa projection à 112 points. Est-ce que vous jouez la carte de l'intimidation? La projection avant la semaine, j'ai l'impression que tout le monde dit « Oh, la projection, ça veut rien dire. » Ça veut rien dire jusqu'à temps que tu regardes et tu fasses « OK, ouais. » Puis moi, j'ai l'impression que, exemple, j'affronterais le 1 puis j'étais le 8. Je viderais tout mon line-up par temps puis j'aurais un gros zéro en disant « Tu sais pas ce que je vais mettre. » Espèce de stratégie. Je l'ai déjà fait. C'est malicieux. Mais honnêtement, moi, la projection, je pense que je l'ai regardée peut-être deux fois cette année dans toutes mes ligues. T'es-tu sérieux? Mais, tu fies pas à ça? Mais avant, mettons, le match-up. Mettons, à 4h, oui, je vais le regarder le dimanche. Là. Je te dis pas que je le regarde jamais. Mais juste avant le dimanche, 1h, c'est rare. On dirait que ça veut rien dire. Le match n'est pas commencé. Ben, les moi, gars, moi, je le regarde. Pourquoi tu le regardes pas? Tu te fies pas à ça. Tu sais pas que cette semaine, je suis 87 et 75. Je sais pas. Je te confirme. Je sais pas. Je m'en calisse parce que la semaine passée, Jordan était à peu près à 100 points. Moi, j'étais à peu près aussi peut-être à 75. Puis je l'ai gagné 113 à 90. Mais c'est fou les projections pour vrai. Ça, c'est un nom. On peut faire une mini parenthèse, mais mettons DeMarco Murray, tout le temps prévu à 10. La semaine dernière, OK, il a fait 10. Je pense qu'il a fait 10.2. Hey, il a fini avec 9 verges, Carlis. 9 verges, un touché. Est-ce que tu sais combien de running back cette année? Je suis pas sûr, j'ai le goût de le savoir. Non, dis-moi un chiffre. Non. Moi, je dirais 20 max, top 20. Combien, attends, là? 19. Il est 15e. Il est 15e? Oh, il est 15e au PR. L'un qui a découvert. Je t'ai entendu, c'était 42. C'est un RB2, un bon RB2. Mais non, mais tu comprends. On pense qu'il est mauvais, mais c'est ça qui est drôle. Tu comprends ce que je veux dire? 10 points de la prédiction. Le gars, il fait 9 verges. Non, je sais. Je sais. Les prédictions, on dirait. Moi, je peux pas ne pas me fier à ça. Je trouve ça. Tu sais, il y a du monde qui travaille pour vrai là-dedans, là, les Barry de ce monde. Puis je sais pas trop. Il y a un calcul qui se fait, des algorithmes qui se font. Mais moi, j'enlèverais ça. Je trouve que c'est complètement pertinent. Tu t'enlèverais ça? Moi, je l'enlèverais. Je trouve que ça apporte rien. Puis c'est trop. La semaine passée, même, j'étais 20 en dessous. Puis j'ai gagné par 70 points de différence. Tu sais, ça a aucun bon sens. Là. Prochaine chronique. Bonne chance à ceux qui font les séries. Puis ouais, soyez juste avec vous-même. Mathieu? Oui, la prochaine chronique. Je vais retrouver ma page parce que comme je n'étais pas à bonne place. Prochaine chronique, c'est pour toi, Mo. C'est la chronique Oui, mais non. De Mathieu, gros donc, thème de Mathieu. La chronique, oui, mais non, Mo, ben c'est un peu une dérivée de la chronique Crève-Cœur. Donc, c'est des joueurs qui ont des gros noms là, pour la plupart, mais qui n'ont pas fait grand-chose la semaine dernière et qu'on se questionne si on va les utiliser pendant les séries, pendant les prochaines semaines. Parfait. De là, le oui, mais non. Mais oui, non. C'est des bons joueurs, mais non, ils n'ont pas fait grand-chose. Une phrase classique de Mathieu Robert. Je sais que t'aimais cette phrase, donc j'ai comme modifié ma chronique pour j'adore toi. J'adore ça. Hey, c'est vraiment une... Mathieu, alors... quand tu lui demandes, hey, qu'est-ce que t'en penses? Oui, mais non. Prends ton opinion en note, on passe à autre chose. Alors, on commence avec le premier, le grand mal-aimé, Golden Tate, qui a eu des bons flashs pendant la saison. Et qui va... qu'est-ce que t'écris? Pogne, Ravens, Tampa Bay, Chicago et Cincy. Ça, c'est des match-ups difficiles. Moi, j'y vais pour non. Ben, moi aussi, là, j'aime pas vraiment... J'aime pas Golden Tate, qui était 4 pour 7 la semaine dernière. 3 points, 1 point dans ses deux derniers matchs. Il affronte Ravens, Tampa Bay, Chicago, Cincinnati. Mais Tampa Bay, Chicago, ouais. Cincinnati. Tampa Bay, c'est correct. Mais Chicago, ils sont bons. C'est une bonne défensive. Cincinnati, c'est une bonne défensive oui. Mais c'est un nom direct. Là. Moi, je commence même pas ta phrase. Suivant. Mais juste une parenthèse. Mais Marvin Jones, il est quatrième dans. Ben lui, c'est un oui. J'ai Fantasy Pro devant moi. Là. Le gars, il performe trop. Mais Marvin Jones, je mettrais Eric Ebron. Mon bon boy. Ouais. Mon bon boy, je mettrais lui. Ouais. Non, pour peut-être. That's it. Prochain, Dez Bryant. Moi qui ai parlé de la déception de Dez au courant des derniers podcasts. Je pense qu'il est de plus en plus décevant, surtout depuis que Zeke n'est pas là, pour des raisons évidentes. Est-ce que c'est le talent qui manque? Non, la confiance de Dak n'est pas là du tout. Moi, je pense que tout ce qui tourne autour des Cowboys, là, c'est de la pomme pourrite. Ah ouais. C'est. Ça va pas bien. Vas-y. Ouais, ça dépend vraiment de ton line-up. C'est sûr que si t'en manques de receveurs, t'as pas le choix de le mettre. Mais est-ce que Dez peut te faire 4 fois 15 points ou 2 fois 15 points sur 4. Je sais pas. On dirait que je le sais plus. Puis, ben, les attentes ont clairement baissé là, pour Dez. 3 pour 37 la dernière game. Ses 5 derniers matchs, Mo, là, 3, 7, 3, 6, 3. On est loin d'un wide 1 en talent, puis on est loin d'un wide 2 fantasy. C'est ça va aux projections. Moi, je l'ai dans un. Je vais vous poser une petite question dans deux secondes, mais Krim, le gars est tout le temps prévu à 8-9 points. Ouais, c'est 8-9 points, là, c'est sans son TD. Bon, il l'a pas son TD, mais Kenti, cette semaine, prévu à 9.3. Dans non, mais... décimal, il joue contre Josh Norman, voyons donc, un Thursday night. 9.3. Puis moi, le pire, là, c'est justement, quand je me pose la question, est-ce que je le mets ou non, j'ai tout le temps l'espèce de petit démon dans ma tête qui me dit, ben, il va exploser cette semaine. OK, mais cette semaine, est-ce que vous mettez... Moi, je l'ai en flex. Est-ce que vous mettez Sanders, Aguilar ou Dez en flex? Sanders affronte qui? Sanders, il est questionable à Miami, prévu à 8.1. Mais t'as encore, hey, c'est des. Votre expression, les cash, là. Et ben, hey, QB, est-ce à Denver, des bonnes cash? Je suis plus capable. Ben, si c'est Simon qui start Sanders, mais c'est Dez, c'est limite, là. Mais puis Dez, il y a quand même des. C'est beau, Jeff, de faire aller ta présence dans le podcast. Le gars, donc... il roule son Instagram story et il fait du bruit. Non, mais Dez, il y a quand même des bons match-ups pour les prochains matchs, sauf la semaine 16, il affronte Seattle. Mm-hmm. Tu sais, c'est sûr que si t'as rien d'autre, ça peut être ton. Ok, mais vite de même, on finit Dez avec votre point. Aguilar, Sanders ou Dez cette semaine? Je pense que je risquerais Dez une dernière fois. J'ai le goût de faire ça. Moi, j'irais Aguilar. Aguilar à Seattle? Non, pas à Seattle, Philippe. Ouais, c'est tellement. Seattle, il y a 12 gars blessés. Anyway. Ok, on passe au prochain. Darkwa et Tommy Gallman. Ben, c'est pas. C'est, en fait, c'est Darkwa parce que Gallman, on start pas depuis quelques semaines. Mais c'est pour dire que Gallman, bon, un, il y a eu plus de snaps la semaine dernière que Darkwa. Et là, avec Geno Smith qui s'en va under center. Non, mais ça vous fait... Moi, je trouve ça bizarre. Je comprends pas. Ça m'a donné un pincement. Avez-vous l'interview de Eli Manning? Il était au bord des larmes. Hein? Hey, 210 matchs de suite, t'as 12 Super Bowls. C'est toi le club. Non, moi, je trouve que c'est un manque de respect. Il l'a pu. Voyons, qui a écrit... Un ancien, j'oublie son nom, là, qui a écrit un bon mot là, en disant genre, ça n'a aucun sens, tu fais pas ça à un QB. Tu fais juste pas ça à une image. Mais j'aurais pas fait ça là. J'aurais peut-être entendu comme deux matchs. Je sais pas. C'était vraiment spécial. Puis, la dernière fois que. Quand il a commencé, Eli Manning, les expos jouent leur dernier match. Ça a pas de ça. Ça donne une idée quand ça fait longtemps. Mais tout ce qui vient des Giants. Non, moi, je suis oui au Darkwa. Moi, non. Darkwa. Non. Moi, je suis du côté de Mathieu. Non, Darkwa. On passe à un prochain des Giants. Darkwa, Ingram. Le grand tight end, est-ce que Geno Smith pourra faire marcher Ingram? Et là, est-ce que Geno Smith va rester toutes les... Tu sais, la question avec les joueurs des Giants, c'est faut que tu checkes c'est qui le QB. Parce que dans tes séries à toi, ça va peut-être changer quelque chose. Il y a l'autre, il y a le troisième. Ouais, David Webb. C'est qui? Dave Webb. Il a dit qu'il allait avoir du temps. Ah non, lui, c'est un ancien des Vikings, non? Mais tout le monde prend le drop. Moi, honnêtement, c'est pour ça qu'au Darkwa, je suis down, parce que je me dis... Ouais, mais Gallman est là. Ouais, mais check Darkwa. Oui, mais attends, quand il est arrivé, il a fait son toucher à semaine 5, il a fait 117 verges semaine 6. Attends. Après ça, 7.9, 10.8, 15.9. T'as un texte de Laurent, tu veux dire? Time out. Non, mais le point, là, ouais. C'est qu'en ce moment, Goldman, il a quel âge? Je sais pas. Est-ce que c'est une recrue? Jones, tu me Est-ce que c'est une recrue? Goldman? Ouais. Non. Oui. Ben, oui. Darkwa, il est jeune. Oui, c'est Darkwa. Parce qu'il est Orlean. Ah! Oh! C'est son nom. En ce moment, là, les Giants, pourquoi qu'ils mettent Geno Smith? Parce que je veux essayer d'autres choses. Ils sont en virage jeunesse. Ils sont en virage. On a une saison de cul. Tu veux essayer d'autres choses, puis c'est Geno Smith. Ouais, mais on a une saison de cul, on fait d'autres choses. Là, Goldman a hot snap Darkwa. Ouais, OK, je comprends. Puis on sait pas ce qui va arriver avec l'équipe. Ouais. Mais non, les pour Ingram. Les deux, je les mettrais pas. Mais si j'en avais à... Mais tabarouette, c'est une belle phrase. Si j'avais à en mettre un, je mettrais Gallman. Ah, pas OK, mais Ingram, tu le mets-tu? Ingram non. Bon, moi non plus. OK, on passe au prochain. Il y a trop de choix. Devante Parker avec Miami. Là, c'est le trône à Jarvis. Moi, c'est un non. Parker, 7-6-2-0 à ses 4 derniers matchs. Le QB change aussi souvent que Will change d'avis sur les joueurs. il pogne Denver puis les Pats dans les deux prochains matchs. Je pensais dire, il change souvent qu'il pogne les crevaisons, mais c'était comme bon. Non, ça c'est chien. Non, mais pour vrai, Parker, j'allais dans la Big League puis je suis vraiment écœuré. Il c'est même pas une question. C'est non. Non, c'est non. C'est définitivement non. Mon boy. James Whitey Water qui fait pas grand chose parce que ben, Burkett a l'air de faire de quoi. Lewis fait quelque chose. Ah, Lewis il est fort. Gillis Lee, healthy scratch. Ouais. Puis White fait rien. Fait que le message est assez clair qu'il fait pas grand. Je pense que White, honnêtement, il sert plus comme pas d'otage, mais il est comme sur le terrain pour comme poisson. Là. Moi j'ai entendu qu'il garde pour les séries. Ah ouais? Ouais. Mais les Pats, c'est tout le temps ça. C'est tout le temps ça. Mais c'est lui, l'année passée en série, hein? C'est lui qui a battu les Faucons. C'est Lewis qui s'était déraillé le genou. Mais avec les Pats, on sait jamais. Tu sais, semaine dernière, Burkett, 17,5 points, je sais pas trop. Moi, je l'affronte cette semaine, mais je suis comme content. J'ai l'impression qu'on va faire 3,4. Ouais. Genre White ou l'autre boy, peu importe qui, ils vont exploser. Mais moi, non. White, c'est un non jusqu'à preuve du contraire. Ouais. Exact. Ouais, je suis d'accord avec vous autres. Mon autre prochain bon boy, Doug Baldwin. C'est mon boy. Mais là, Baldwin, il affronte Philly, Jags et Rams. Trois excellentes défensives, trois excellents clubs surtout. Russell Wilson, il est bon. Mm-hmm. Hein, Mo? Il est excellent. Il est excellent. Ouais. Mais Doug, on le sait comme pas. Moi, je trouve qu'il n'a pas réussi à obtenir la stabilité de fin de saison. Je comprends pas tout le fantasy cette année, pour vrai. Il y a trop eu de blessures, etc. Mais Doug Baldwin, c'est comme rendu une espèce de comité de receveurs, comme on voit les comités de running back. J'aime pas ça, on dirait. Non. T'as Doug Baldwin que moi, je le mets sur un piédestal. C'est une vedette, là, on va se le dire. Là. Je connais pas ses stats de vie, mais il est solide. Là, t'as Paul Richardson, Tyler Lockett, Jimmy Graham, ça va, mais je sais pas. Moi, je dis oui juste parce que je l'ai. Tu le starts contre Philly? C'est sûr, je le starts contre Philly. Jags? Contre Jags, si je... Ça dépend. Ouais, c'est ça. Avec, je vous avertis tout de suite, celui qui m'affronte, là. Ça va, je ça fais va pas le duo Wilson-Baldwin. Tu fais pas de duo? Je fais pas le duo, pas contre Jags. Pas contre Jack. C'est juste ça, c'est juste là, ça. Tu dévoiles tes stratégies. Ça me fait plaisir sur les ondes, le grand public. On est rendu à plus d'une cinquantaine d'auditeurs. Ah, non, regarde, je ne ferai pas contre Jacksonville. Jacksonville sont forts. Chaque semaine, tout le monde est bon. T'as mieux Baldwin ou Dez? Baldwin. Qui t'aime mieux? Moi, c'est facile, j'aime mieux Baldwin. Non, j'aime mieux Baldwin. OK, c'est bon. Mais qui j'aime mieux mettre en espérant qu'il fasse son espèce de 20 points? Dez. Non, j'aime mieux Baldwin. Ah ouais, OK. Puis Baldwin, je pense qu'il est plus match-up proof que Dez. Je suis d'accord. Puis moi, je pense... Puis là, ça vient un argument que j'ai dit probablement à tous les maudits épisodes de podcast, c'est l'équipe, dans la vraie vie, ça a besoin de gagner, a besoin de Baldwin. Fait qu'en termes de fantasy, si tu penses que Seattle va gagner, ils ont besoin de Baldwin. Mais c'est pas une espèce d'affaire que la défensive, eux, quand ils sont dans les films toute la semaine, ben ils voient là, que le préféré de Russell, c'est Baldwin. Le meilleur, c'est Baldwin. Tu mets ton meilleur gars dessus, ça ouvre les autres. Non? OK, à voir. Okay. Bon, on passe du jeune Baldwin au vieux Fitzy Fitzer avec ses annonces de Marel. Fitz, il y a des bons... Vous avez vu l'annonce en boss? Ben oui. Elle est bonne, l'annonce. Chaque podcast, il rentre une petite publicité. Moi, j'adore ça. Alors, on cherche des commanditaires. Saison 2, on revient avec boss, tu sais. Fait que Fitz, 3 pour 12. Non seulement il y a des bons match-ups, il y a une équipe un peu suceuse, là, qui ça va pas super bien. Mais sa stabilité, son nombre de targets parle d'eux-mêmes. Moi, je pense que dans un contexte de flex, ça peut être une option hyper intéressante. Ouais, Fitz, il y a eu une mauvaise semaine, mais je pense qu'on peut le remettre la semaine prochaine. Il y a 3 de ses 4 prochains matchs à domicile avec quand même des bons match-ups. Puis, j'adore ça quand tu shoots des stats pour vrai. Non, mais pour vrai. Parce que Fitz, on le dit souvent, mais il est meilleur à domicile. C'est oui. Fait que voilà. Moi, c'est un oui pour moi, Fitz. T'as-tu une opinion, Mo, ou tu checkes les textes à Laurent? Non, je checkais les stats de Mine. Chris, il est solide, Mine. Je te connaissais. Mais il est 3 de ses 4 touchés, c'est à domicile. Voilà. Je connais ses stats. Non, moi, je me fie juste à ce que mon pote Jeff, qui est silencieux ici. C'est quoi que t'as dit tantôt, Jeff? Le gars, c'est une légende. Hier soir, il n'y avait rien à faire pour faire une histoire courte. Là. Il a regardé toutes les stats de vie de tous les receveurs. De tous ses joueurs. De tous ses joueurs. Il a dit que Fitz, c'est une vedette. Fait que moi, je le mets Fitz. Ouais, on passe au prochain qui est, je pense, une des grandes déceptions de toute la saison. Demarius Thomas. Évidemment, bon, les carrières ne l'ont pas aidé, mais Denver, en général, était extrêmement décevant. T'affrontes Miami, Jets, Indy, Washington dans les derniers matchs. Des bons match-ups, c'est ça qui fait chier. Je sais pas quoi faire. Fait que là, lui, il faut le mettre, là, parce qu'il y a des bons match-ups. Moi, je dirais qu'un oui, mais cette semaine, je le bench pour Doxson. C'est bizarre à dire. Moi, je dirais oui, mais cette semaine... C'est ça, c'est comme ça. La chronique, c'est quoi? Oui, mais non. Ouais, c'est ça. Je suis entre les deux, là. Exactement. Thomas, oui, je l'ai dans un de mes pots, je le mets. J'ai plein d'options. Non, je vais pour un oui. Je pense qu'il est meilleur. Il y a quand même des targets. Il a une meilleure chimie, c'est mieux dit, avec les QB. Qui, avec Paxton Lynch? Non, Lynch. Oubliez Lynch. Là. Moi, je savais même pas si c'était lui la semaine dernière, avant que je vois qu'il y ait 1,5 points ou je sais pas quoi. Mais avec Osweiler, Il préférait DeMarius que... On passe à son bon pote Emmanuel Sanders. Ouais, c'est ça, oui. Ben là, 3 pour 12, c'est quoi, c'est-tu le même combat? DeMarius avant Sanders. Moi, je mets DeMarius avant Sanders. DeMarius, là, il est 10e en target. Quand même, là, c'est pas mauvais. Dans les 3 derniers matchs, 8, 9 et 8. Pour Thomas. Pour Thomas, ben, quand même, il y a quand même encore les targets. Ouais, si ça peut être un QB autre que fucking Lynch, ça peut être un oui. Sanders, là, il est blessé, ça peut être difficile. Mais s'il fait un bon match la semaine prochaine, peut-être que la semaine d'après, on peut le starter. C'est fou ce que ça fait 2-3 matchs ou 2-3 saisons. Hey, il y a quelques années, ou même l'année dernière, CJ Anderson, DeMarius, Sanders, c'était tous des must-start. Exact. Anderson, CJ, il est dans les poubelles. Bon, on va passer justement à CJ Anderson. Faites quoi? C'était ça ton prochain pour vrai? C'était ça ouais, le prochain pour vrai. CJ, je l'ai droppé cette semaine. Ah, moi, je réponds à votre question. Drop. Hey, c'est incroyable. Hein? Ouais. Maintenant, Cook qui affronte. Là, tu parles de Jared. Oui, le tight end. Oui. Qui affronte Giants cette semaine. C'est pour ça que je le mets en flex. Ça va, Jeff? Ouais, parce que notre pote Jeff, il y a CJ dans son pool. Fait que je pense qu'il est en processus. Il y a processus de dropper et d'aller chercher dans le monde. Non, mais Cook, là, je le mets en flex cette semaine parce que Cooper est blessé. En flex? Ouais. Tu mets 2 tight ends? Oui, j'ai dit tantôt, tu l'écoutais pas. Mais ça, c'est une stratégie à la Rodge. Il a fait ça au début de la saison. Ça m'a payé, ouais. Non, mais là, Cooper, il est blessé. Crabtree, il est suspendu. Puis, Cook qui affronte les Giants, qui est comme la pire équipe contre les tight ends avec, je pense, Denver puis Cleveland. Ouais. Je pense que Giants ont accordé un touché à chaque tight end cette année. Sauf Kelce. Voilà. Moi, c'est un oui. Moi, c'est un oui pour Cook. Ouais. Et même pour les prochaines semaines, il y a quand même des bons match-ups. Jordy Nelson, considérant que Aaron Rodgers a commencé à lancer le ballon, ils ont montré qu'il lançait des passes de 40-45 verges puis ça faisait partie de sa réhabilitation. Donc, lui pourrait revenir pour... semaine quoi, 15-16? Ouais, ça c'est Je crois pas, moi. Ils peuvent-tu encore se qualifier pour les séries? Tu penses que Rodgers va revenir? Rodgers va revenir, puis je trouve que c'est une belle carte cachée que tu peux utiliser à la semaine 15. Nelson, je le start pas avant la 15, mais si Rodgers joue, c'est une méchante carte cachée. C'est plus une carte cachée devant 54 auditeurs, là. Mais si tu l'as. Moi, je l'ai, je te l'ai dit avant le podcast. Cette semaine, je le mets, là. J'ai confiance en lui. C'est contre qui cette semaine? Il me semble qu'il y a quand même un peu. C'est contre Tampa Bay, comme on disait, la semaine prochaine contre Cleveland. Première semaine de playoff. Mais ça, c'est le temps en ce moment. Moi, peu importe le QB. Ok, là. Non, j'avoue, mais ça, c'est le temps pour Jordy, tu sais, cette semaine, là. Fais-nous un bon petit toucher, là. Au pire, un catch, sévère, un touché. Mais Green Bay a bien joué. Contre les Steelers. Écoute, il n'y a rien d'impossible. Je vais dire oui comme toi parce que les match-ups sont bons. Mais j'avoue, j'avais pas les match-ups. On s'entend que il faut qu'il explose là. Tu sais, là, c'est Tampa Bay. Il faut que tu exploses pour que tu donnes confiance. Lui, il s'en fout, là, qu'il va nous dire là, dans un tweet, là, mais il faut qu'il donne confiance à ses fantasy owners. Là. Let's go. Là. On passe à ton boy, DeMarco Murray. Lui, là, je suis tellement content de ne plus l'avoir. Cet esti-là, je l'haïs. Le 15e running back, comme dirait Mathieu, c'est un bon army too. Là. On dirait qu'il y a des stats de 32e running back. Là. Je sais pas pourquoi, j'ai un feeling qu'il n'est pas 15e dans la vraie vie. Il y a eu 12 carries pour 9 verges, c'est hallucinant. Master à chier. Je jouais contre mon frère, il tapotait, on se textait. Hey, Mo, il est vraiment pourri ton gars, tout ça. Tout ce que je vois, TD, 2-3 verges. Et... Mais il affronte Houston. Cards. Cards, San Fran, les prochains matchs. Ça va être. Moi, je dis oui juste parce que. Moi, j'y vais avec un autre. Il n'y a pas une panoplie de running back. Non. Tu sais, t'aimes-tu mieux justement starter DeMarco ou Gallman ou Darquois? DeMarco. Tu sais, DeMarco. Ouais. T'aimes-tu mieux starter DeMarco que C.J. Anderson ou Devin Booker à Denver? J'aime mieux encore DeMarco aussi. Non, c'est ça. J'ai l'impression qu'il n'y a pas meilleur. Moi, je l'ai, je suis pas si content. Tu sais, j'ai Perriné puis j'ai échangé Lamar pour Gronk. Bon, j'ai Perriné puis DeMarco. Tu sais, moi, tout ce que je me dis, c'est bon, j'espère que Perriné va prendre un peu de points. DeMarco ou Duke Johnson? DeMarco, Frank Gore. Gore. Ouais, DeMarco ou McKinnon? Ah, DeMarco, c'est ça. Ouais, moi aussi. DeMarco ou LeGarrette Blount? DeMarco. C'est ce qui me font chier à Philly. DeMarco aussi. Il est 2-2, là. DeMarco ou Abdullah? DeMarco. DeMarco ou Latavius Murray? Non, Latavius. C'est quand même facile. Un dernier. DeMarco ou Alex Collins? Je pense à Alex Collins. Alex Collins, ouais. On n'a jamais été autant d'accord, je pense, sur 7 joueurs. Suivant. On a tous été d'accord. T.Y. Ouais. Hilton, T.Y. pendant que Félix remet son sel en mode genre, je lis quelque chose. Hey, T.Y., là, c'est non, c'est... Hey, il affronte Jags, Buffalo, Denver, écoute, Baltimore. C'est rien. L'espoir est à moins. Non, non, c'est fini. Oublie ça. C'est fini. On passe au prochain, Howard à Chicago. Hey, 7 pour 6 verges la semaine passée. 2 pour 13 par la passe. Il affronte San Fran. Je pense qu'on peut le starter. Mais après ça, Cincinnati, Détroit, bof. Puis finit contre Cleveland. Si jamais tu te rends en finale, puis t'as Howard, bravo. Ouais, c'est ça. Moi, je pense que ça revient au même que DeMarco. Ouais. Ouais, effectivement. Ajayi, qui... Ajayi, on va te laisser... dis ton opinion parce que c'est ton boy. C'est mon boy, je sais pas quoi penser. Je me fie tout le temps à Barry, là. Il aime bien mon Matthew Barry. Et la semaine dernière, il disait continue à starter. Tu peux pas starter ce gars-là. Moi, c'est ça. Mais non, c'est un match-up. Si le match-up est bon, je le mets, sinon non. OK. Puis un dernier, Macklin. Drop. Voyez-moi ça aux poubelles. Drop. Macklin. Je cherchais un mot poli, mais bon. On va dire vidange. Alors voilà, en espérant que ça vous a aidé sur des joueurs populaires, mais qui finalement ne feront peut-être pas partie de vos séries éliminatoires. L'important, c'est d'y réfléchir et on passe à la prochaine chronique. La chronique Dinner Shift. Alors, bon, on va vous parler de 3 matchs en fin de semaine. On des commence gros matchs. Des très gros matchs, fin de semaine très intéressante. Les Panthers qui affrontent New Orleans, les Saints qui ont finalement été battus la semaine passée. Mais ils ont failli remonter. Encore. Ils ont failli remonter. Les Saints sont quand même favoris par 4 points. Et le total, selon Vegas, 48 points. Donc, intéressant pour le fantasy. Ouais. Je pensais que tu as dit intéressant pour Laurent. Ouais, ben, aussi, selon Laurent et Vegas. Hein. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce que Oncle Drew sera retiré son jeu? Puisque Oncle Drew, là, dans la vraie vie, il est bon. Mais en fantasy, à cause que la course est tellement bonne dans son équipe, il se perd un peu. Pourtant, on le considère toujours comme une vedette. Qu'est-ce qu'on fait avec lui? Et est-ce que la défensive des Panthers est si dominante qu'on tente? Parce que la défensive des Panthers, elle est dans le top 3 à peu près de toutes les stats. Là, défensive des Panthers est revenue dominante. Là. Son deuxième en verge accordée, son sixième par les airs, son troisième au sol, puis huitième en points. Ce qui est très, très, très respectable. Par contre, les Saints, eux, c'est l'inverse. L'attaque est deuxième en verge totale, deuxième par les airs, troisième au sol, puis quatrième en points. Donc, c'est comme l'attaque de Saints contre la défensive des Panthers. C'est ça. Il va-tu avoir un revirement de situation du week 3, 24 septembre, 34-13 pour les Saints contre Panthers? Mais les Panthers jouent beaucoup mieux depuis. Vraiment, ouais, mais moi, j'ai comme l'impression qu'on va voir un copier-coller de ça. Je sais pas pourquoi. J'ai l'impression que ça fluctue, les Panthers. Ils ont bien beau être 8-3. On dirait que j'aime pas ça. Là. T'sais quoi, t'as perdu à deux... Bon, OK, contre Eagles, puis après ça, contre Bears, 17-3. Là, ils se sont enflés quelques victoires de suite. Est-ce que c'est assez? T'sais, c'est des victoires contre les Bucks, Dolphins, les Jets. Est-ce que ça vaut quoi? Moi, je pense sincèrement que New Orleans... Ben, ils vont gagner, selon ils vont gagner. Mais pas juste gagner, je pense qu'ils vont make a statement. Ah ouais? On dirait que je feel ça. Tu sais, je regarde les stats de Breeze. Fantasy, là, c'est il est pas 10e. Bon. Là. Hey, 266 en 373, 3029 verges, 16 TD, 5 int. RAT de 104. Je veux dire, le gars, il performe. Ils ont trop une bonne équipe. Ils ont une très bonne équipe. Est-ce qu'à Ingram, on le met cette semaine? C'est une bonne défensive. Ouais. Hey, contre McCaffrey. pas contre McCaffrey, contre Luke Kuechly. Ben, t'as pas le choix de mettre Ingram. Moi, est-ce que... Vas-y, finis. Non, mais c'était juste pour savoir, est-ce que vous pensez que... Là, on a vu Kamara qui a pris une grosse semaine sur Ingram. Est-ce que ça va dans ce sens-là? Oui. Jusqu'à la fin, là. Ouais, je ne sais pas. Moi, je pense On va revoir le statu quo de 50-50. C'est les Pats de la Louisiane. C'est selon le match-up, selon le plan. Le gars qui est chaud. Exact. Ouais. Ouais. Puis vous faites quoi avec Olsen? Ben là, Olsen, il s'est aggravé la blessure. On peut pas le starter, je pense. Je sais même pas s'il va jouer. Il va-tu revenir cette saison? Parce que pour ceux qui font les séries... Il dit que oui, mais la blessure qu'il a eu au pied, il paraît que c'est la même que genre Julio il a eu puis tout ça. Il faut qu'il se fasse réopérer. Là. Mais il fera peut-être pas tout de suite, c'est pas obligatoire, mais c'est presque sûr qu'il va se faire réopérer. Mais ça, ça m'amène juste une petite parenthèse de 30 secondes. J'étais curieux de savoir, on en parlait tantôt. Est-ce que, mettons, ton tight end, il a un mauvais match-up ou il est blessé, un peu comme lui, ou Kyle Reed va être questionable? Est-ce que vous y allez avec un tight end bon match-up dans les vidanges? Ouais. Ou est-ce que vous restez, mettons, Olsen, qui est questionable jusqu'à game time decision? Je le mets pas Olsen cette semaine. Mais mettons, outre Olsen, est-ce que tu vas jouer avec ton tight end dans les waivers? Moi, je trouve qu'un tight end, cette année, ça sert moins qu'un kicker. OK, donc toi aussi, tu joues un peu avec le match-up. Ben, cette semaine, ça sert moins qu'un kicker, t'as dit? Ben, honnêtement, si on faisait le top 10 des tight ends, je pense que les kickers, ils ont plus de points que des tight ends. Non, j'étais curieux de savoir, parce que moi aussi, j'ai l'impression que je joue avec le match-up, à part si t'as Gronk et Hurts. Ben, ouais, c'est ça. En termes absolus, ils font pas de points. Puis Kelsey, ouais. Okay. Bon, qui gagne? Ben, New Orleans, mais rapidement, là, Funchess, faut juste surveiller, il est blessé à l'orteil. Donc, je surveille, tous les jours. Il a pas pratiqué aujourd'hui, mercredi. Okay. McCaffrey, il est blessé à l'épaule, pas pratiqué non plus aujourd'hui, mercredi. L'oncle Drew, ben, il a pratiqué, fait que ça, c'est correct. mais, non, mais la dernière chose, Newton, il pogne Minnesota semaine 14. Est-ce que c'est match-up proof, Cam Newton? Mais non, Newton? Moi, Newton, je le mets. Hey, semaine dernière, dans notre ligue, là, avec 4 points, il passe de TD ou je sais pas trop, là, je pense qu'il a fait 17 points. Avec 180 verges lancées, 0 TD, c'est quand même bon, 17 points quand tu lances pas de TD puis pas 200 verges. Ouais, exact. Sûrement. Moi, je pense, ouais, il a couru, exact. Donc, tu le mets? Moi, je le mets. New Orleans? Ouais, moi, j'aime bien faire les scores, là. J'ai même pas pensé à ça, là. Vous me laissez là-dessus, mais moi, je dis 28-14. New Orleans. New Orleans, un gros double. Donc, 4 points de Will Lutz. Will Lutz. 28-14. J'aime le team à domicile, vous savez, j'ai dans mon ancien podcast. Un genre de 31-24. Ouais, ça. C'est ça. Moi, j'allais plus pour un 36-33. Je sais pas si ça se peut. J'aime ça. On prend ça en note. C'est sûr. Prochain match, Détroit qui est à Baltimore. Il y a 5 semaines, je t'aurais dit, je regarderai jamais ce match-là. Ça m'a l'air vraiment plate. Mais Baltimore, que j'ai bitché au début de la saison, sont l'équipe de l'heure. Là, tout le monde s'en dit, hey, écoute, ils sont dangereux, on y voit pas venir, mais ils sont là. Sont effectivement là. Ouais. Malgré que Joe Flacco joue probablement la pire saison de sa carrière, que offensivement, c'est rien extraordinaire, mais défensivement, ils sont tellement bons qu'ils se donnent une chance de gagner à chaque fois. Et je pense que contre Détroit, qui offensivement en arrache un brin, avec avec Theo Riddick, avec Golden Tate, qui est là de temps en temps, Marvin Jones. Puis Stafford est blessé aussi. Puis Stafford est blessé. Écoute, moi, je pense vraiment que Baltimore a des bonnes chances de faire un statement comme nos autres potes, parce que Baltimore, là, eux autres, on regarde juste Pittsburgh en ce moment. Mais Baltimore, sont en arrière, sont comme, excuse, non seulement I'm in the hunt, mais I'll be a wild card and beat your ass. Comme dirait mon ami Charles Hébert. Mais ils sont derniers hein, par la passe. Tes amis. C'est pas mes amis. Les corbeaux. Et je les déteste. Ils sont 31e en verge totale. T'es détestes? Moi, j'ai pas compris ton espèce de... L'intro était bonne, là. Mais... non, mais Baltimore, voyons donc. J'ai-tu raté de quoi, moi, dans cette saison-ci? Non, mais ils gagnent. Un, c'est la seule équipe qui a gagné deux fois par blanchissage, mais de loin. OK, blanchissage, je veux dire, contre les Bengals week 1. Puis les Jags. Contre Miami. 40-0. Oui, mais c'est ça que je te dis. Défensivement, ils sont tellement bons. Tes autres victoires, là, c'est Browns. J'enlève Raiders. Okay? C'est Browns, c'est Packers sans Aaron Rodgers. Puis c'est Texans, pas pire serré, sans Deshaun Watson puis sans Fuller. C'est pas une bonne équipe. Moi, je pense que c'est une équipe mieux qu'on pense. Ils sont meilleurs qu'on pense. Moi, je pense qu'ils peuvent gagner cette semaine. Moi sont aussi, à Baltimore, puis je pense qu'ils vont gagner. Il y a une grosse cédule. Tu sais, ils affrontent Lyon, Steelers, puis après ça, c'est Browns, Indy, Bengals. Va chercher les trois dernières, Browns, Indy, Bengals. Bengals, il est pas une fois dans le fantasy, là. Non, je parle au niveau vraiment de leur équipe, eux. Eux, là, oui, comme tu dis, ils ont des chances de faire les séries, mais c'est à cause de leur match-up. Hey, t'es allé perdre, t'as perdu contre les Titans, t'as perdu contre les Raiders. Excuse-moi, t'as perdu contre les Bears. Moi, je pense qu'ils vont se faire ramasser cette semaine. Okay. Est-ce que Abdou, est-ce qu'on start? Non. OK. Wallace. Collins. Oui. Oui. Tête de bois. Ah, si on jouait plus PR, je te dirais oui. J'ai pas été convaincu, moi, par tête de Moi non plus, je suis pas encore convaincu. Puis Wallace. Oui. Oui. Moi aussi. Flacco lance mal, mais si tu restes moi, le roi recevoir. Qui gagne? Baltimore. Oh là là. Combien, mettons, fallait pas, on fait ben, pas gros, là, un genre de 20 à, je sais pas, moi, 17, genre. On pourrait faire une chronique, hey, on fait les points, mais je vous laisse là-dessus. Ça pourrait être comme la chronique à mots. J'aimerais ça, pour combien qui gagne? C'est une bonne idée, mais le pire, j'étais pas préparé pour ça, mais, hey, non, je vais y aller avec de quoi, moi, l'avoir, celle-là, OK? Tenez-vous bien. On devrait le noter, par exemple. Non, moi, je réécoute ça, là. 31 avec Juju. À 13. On va retourner dans Juju. 31-13. Non. 31-13 de surtout 3. Surtout pas dans Juju. Non. Ça, je te laisse. 31-13 de 3. Donc, 31-13, j'adore ça. Non, j'adore ça. Aussi. Ils sont pourris, Baltimore. Non, non, okay. Baltimore. Ils sont plates à regarder. Non, 24-14 avec un field goal de Tucker. Pour Baltimore? Ouais. OK. Non, c'est quoi tes points, toi? Moi, j'ai dit 27. 27? C'est bien plat. C'est bien bon tour. Yes. OK. Attends, moi, je dis une affaire. Détroit, là, sont forts en fantasy, hein, la défensive. Oui ou non? Oui, ils sont okay. En sixième, oui. Merci. Ça avait l'air d'un fait. Non, mais ils sont forts, hein? On était tous non, mais aujourd'hui, ça m'étonnait quand j'ai quand je regardais les stats, je trouvais ça impressionnant parce qu'ils sont 26e, la défensive, en verge accordée. Ils sont 23e par les airs, ils sont 24e au sol, puis ils sont 21e en points. C'est ça qui est étonnant. On pense qu'ils sont forts parce que Fantasy Wise, ils sont forts, mais en termes de verge puis de points accordés. Ça, c'est parce qu'ils font des sacs et des pics sûrement, mais ouais, ça ne se convertisse pas. Ils ont beaucoup de c'est ça, mais ça ne se convertit pas nécessairement en verge accordée et tout ça. Puis ça, c'est un bon point qu'on avait parlé la dernière fois, c'est quand la défensive joue. Faut faire attention à ça. Tu sais, quand on dit la défensive affronte ton joueur, là. Ouais, mais non. Tu sais, est-ce que t'es perdant ou gagnant dans le V1 ou l'autre? Mais non, parce que ça joue beaucoup sur un QB, c'est peut-être différent à cause des picks, là. Exact. Mais ou sinon, ben, c'est les picks et les sacs qui font les points, tu sais. Exact. Je veux juste terminer ce match-up-là, parce que là, j'ai la cédule de Détroit sur moi. Eux, c'est tough. Eux, c'est super tough. C'est les deux équipes à 6-5, mais bon, on se rappelle qui j'ai nommé, Browns, Bengals, etc. Wisdom. Hey, les défaites. De Détroit, les 5 défaites, c'est pas facile. C'est Saints, bon, la raclée. C'est Saints, c'est Panthers, c'est Falcons, c'est Steelers, c'est Vikings. Non, non, c'est. On parle des top teams. Oui, ils ont battu un peu le même genre d'équipe. Ils ont une grosse victoire contre les Vikings. 14-7, une victoire importante. C'est le fun. Non, mais honnêtement, je pense qu'ils l'ont pas facile, eux. Ils l'ont pas facile versus Baltimore. Même ce qui reste, c'est pas facile. Ben, il reste Ravens, ça c'est super facile. Buccaneers, Bears, Bengals, Packers. C'est pas facile. Et on passe maintenant au match. Ça va être tout un Sunday night. Ça, c'est mon match de championnat pour. Moi, c'est de savoir qui va gagner moi pis Mo, là. Parce que j'ai Wentz, il y a Wilson. Ah, ben ça. Mais ça vaut rien. Non, pour toi, ça vaut de quoi? Toi, tu bats, tu joues. Moi, je veux gagner. Ça, on parle dans la Big League. Non. Dans TMT. Dans TMT? Oui. Vous vous affrontez? Oui. On a été calme. Ah, cigare, j'avais pas catché ça. Ouais, pis. Ah, ça. Fait que toi, mais là, Mo, mais Mo, mais moi, je suis ton mort, là. Parce que. Ah, tu prends pour moi? Ben oui, il faut qu'il perde. Non, mais ben, Lord, écoute, c'est la seule semaine que ça va arriver. Hein, fait que, là, il va te texter Ingram, point d'interrogation. Ouais. Pis là. Non, il va te texter Ingram, go. Mais gros match, c'est un bon match. Fait que Philly à Seattle, Philly qui est évidemment bon favori de 6 points. J'aurais pensé plus, considérant que la défensive de Seattle est relativement déchue là, avec toutes les blessures. Ouais. C'est un Sunday night, ça va, le show est là, là. Est-ce que. Moi, je sais pas, j'ai l'impression que Seattle sont plus intelligents que de se faire planter. Ils seront pas plantés, mais je pense que ça va être une victoire quand même facile. Je suis pas capable, celle-là, on dirait. Parce que. J'adore Seahawks. Hey, Philly, là, ils sont impressionnants. Là. Ils ont battu tout le monde. Par beaucoup. Là. C'est pas des victoires genre à l'arraché qu'ils ont eues. Seattle, ils ont plus de défensive. Puis l'attaque de Philly, là, sont premiers en points, troisième en verge totale, deuxième au sol. Sont très très forts. Puis en plus, comme on dit, la def de Seattle est blessée. Puis de l'autre côté, Philly, eux, ils ont la meilleure def contre la course, puis la troisième meilleure def contre pour les points accordés. Mais c'est ça, je pense que. C'est ça qui est fort, là. On focalise beaucoup sur l'offensive des Eagles, mais leur défensive, ça fait qu'ils gagnent énormément de matchs. Ils sont vraiment forts. Mais toi, Mathieu, qui est spécialiste de la reconstruction. Explique-moi comment une équipe peut être aussi bâtarde une année. Parce que l'année passée, les Phillies, je sais pas combien ils ont fini. T'es pas si pire. Ils ont fini genre 8-8, je pense. OK, je ne vais pas dire bâtard, on va dire moyenne. Ouais. Et finir, et là, être de loin l'équipe de l'heure et l'équipe que, je sais pas en série ça va donner quoi, mais en saison, c'est la meilleure équipe. J'aimerais ça qu'ils se rendent jusqu'au bout. Ouais. Moi aussi, j'aimerais ça qu'ils se rendent au Super Bowl. T'sais, contre pourquoi les Pats, pas, genre, ben, t'sais, mais, ou même pas contre les Pats, de quoi de nouveau, là, juste. Mais je sais pas quoi penser du 10-1, pour vrai. Mais oui, je te laisse. Je vais juste t'expliquer pourquoi ils sont, sont bons, ben ils sont... sont meilleurs que l'année passée, oui, mais c'est aussi alentour ce qui se passe. L'année passée, les Giants étaient dominants, ils épongent deux fois. C'est vrai. Dallas était dominant, ils épongent deux fois. Washington, dominant, ils épongent deux fois. Green Bay, une fois avec Aaron Rodgers. Puis toujours Détroit, Minnesota, qui sont pas mauvais. Seattle, pas mauvais. Arizona. Fait que c'est pas long que tu te ramasses avec des match-ups vraiment difficiles. Falcons était dominant l'année dernière aussi. C'est une division. La NFC, là, c'est une association qui est vraiment difficile comparée à la AFC. Mais c'est un peu la culture des Pats. Tu sais, les Pats, souvent, les gens ont ridiculisé leur fait qu'ils étaient bons en disant « Ouais, mais t'affrontes les Jets, les Bills, puis les Dolphins, 6 games sur 16. Ouais. C'est sûr que tu vas être bon. T'as 5 victoires sur 6. Ouais. » Cette année, c'est un peu ça, les Eagles. Dans le sens que les Giants sont tellement mauvais. Ouais. Dallas, on ne sait pas trop. Tu sais, ils sont compétitifs, mais ils finissent par perdre. Ouais. Puis Washington, mais c'est l'équipe la plus random. Ils ont trop de talent, ils ont beaucoup de talent, mais ils gagnent pas. Ouais. Fait que, je suis d'accord avec toi. Fait que mes questions. Mais il y a quand même Philly qui se sont améliorés, je veux pas pour. Oui, ils se sont aussi améliorés. C'est ça, c'est pas juste. Mais c'est bien résumé, je trouve ça. C'est juste un point parmi tant d'autres, mais ils se sont aussi beaucoup améliorés. Ouais. La défensive, je pense qu'elle est moins blessée aussi que l'année dernière. Puis Wentz fait juste plein de miracles cette année. Là. Ah, il est comme. Ah ouais, bon point. C'est comme, et Alshon Jeffrey est respecté, j'ai l'impression. Ça l'aide aussi beaucoup. L'année passée, c'était comme. Douteux, mais Alshon Jeffrey est vraiment... Mais c'est toute une équipe. Hein. Moi, on est allé l'an dernier à Philly. Là. C'est toute une équipe. Je suis d'accord avec toi. D'accord. Mathieu, il veut passer à autre chose. Non, mais je veux qu'on fasse nos gars fantasy. Oui, vas-y. Vas-y. Fais-moi, mets-moi en ordre. Clement, Blunt, Ajayi. Ça dépend du match-up. Fais juste me dire rapidement. Clement, Blunt, Ajayi. Est-ce que tu veux... Ils ont les mêmes match-up. Est-ce que tu... Bon vieux long. Non, mais... Jeff, ça fait sentir. Non, mais c'est ça, ça dépend. Non, mais... Attends, je vais finir mon point. Mais là, c'est quoi ton raison? Parce que j'ai pas raison. Ça dépend des matchs dans le sens que ça se peut que la semaine prochaine, ce soit Ajayi. L'autre semaine d'après, ce soit Blunt. L'autre semaine d'après, ce soit Clement. Tu comprends-tu? Non. Mais moi, je suis d'accord avec ton point. Je trouve que les trois peuvent être bons, genre. Non, mais je peux pas te donner tout de suite le top 3. C'est par rapport à quoi que tu veux que je fasse le top? Point fantasy, qui est c'est meilleur? C'est qui est un dans ta tête? OK, qui est un dans ma tête? OK. Oui. Non, mais... Parce que... on est bon de faire le top, ça va être, c'est pas. Mais quand t'en fais un des facile. Trois, c'est qui? Ajayi, Blunt, Clement. Parfait, moi aussi, mais ils sont très, très proches. Mais, en ce moment, là, si t'es dans la tête du coach, man, c'est genre... Okay. Clement, Blunt, puis Ajayi. Okay. Mais non. Mais c'est une autre de même, j'ai le même match-up, là. Toi, tu mets quand dans quel ordre, même que nous? Ajayi, Blunt, puis Clement. Ok, yeah. C'est parfait. Super. Est-ce que tu startes à Goller contre Seattle? Et là, tu me poses des questions. Là, ça dépend de ton team tout, là, mais... Ben, en mettant toi dans la ligue. Non, moi non. Parfait, merci. Mais contre toi, je le start en passant. Ok, cool, merci. Ah, parce que j'ai Wentz. Ok, j'essaie. Cool. Oui, tu vois, ça, bonne on n'est pas parlé de ça, mais bonne stratégie. C'est vraiment gentil. Ah, ben, tu vois, oui. Est-ce qu'on redemption? Met quelqu'un dans le backfield à Seattle? Non. Ouh là là, voyons donc. Non, non, moi non plus. Baldwin, Lockett, Richardson. Baldwin puis Lockett. Pas le choix. Mais non. Baldwin, ouais. Richardson. Non, parce que Lockett fait les kick-off return. Pis... Fou de ça. Non, non, mais. Êtes-vous. Non, non, moi j'ai bon, j'étais d'accord avec toi. Vous êtes bien impatient. Non, non, mais Lockett, honnêtement, là, il est pas là pour. On sent qu'il faut pas beaucoup de points. Moi, je suis d'accord. Richardson non plus. Moi, je suis d'accord. Mais Lockett a une opportunité de plus de faire les touchés, qui est celle sur les kick-offs, que Richardson n'a pas. Puis Lockett, il si tu regardes ses trois derniers matchs, il y a genre une moyenne de 36 verges, dont des. Juste savoir, Richardson, il est combien tième, vous pensez, au PR? Ah, tu m'énerves. Juste savoir. Je vais dire 15. Overall, dans les receveurs? Ouais. Et là, cigare, 29. Il est 23. Calisse! Donc, c'est tu le savais, Jeff. Tu l'as analysé hier. Non, mais c'est un low-end wide 2. Il est 23? Oui. Et là, laisse-moi juste 2 secondes. Là. Il est 23. Oui, mon, pote Baldwin, il est quoi? Je vais te dire ça dans quel... Mais il doit être bon. Ah, puis Lockett. Richardson, il est 23. Baldwin, il est 15e. Mais c'est pas... C'est quand même. Voilà. Lockett. C'est intéressant. Lockett, je sais pas, Philippe. Non, il est pourri. Non, il est pas si pourri, Lockett. Lockett, sa meilleure game, c'est genre 6 71. Points. 71. Bon. Il est vraiment pas bon. Alors, qui l'emporte? Philly par au moins 7 points. Ah non, on veut le score. Oui. Ah, je sais pas, celle-là. Les autres, j'étais sûr. 31-20, genre. Arrête. Ouais. T'en vas pas, toi, si tu le gâtes. Non, moi, Hey, j'adore Philly, j'adore vraiment. Non, moi j'y vais avec l'équipe à domicile. Philly commence 3 matchs à l'étranger, puis ils vont commencer avec une défaite de une espèce de. C'est 28-24, Seattle. Ok, moi je vais dire 27-24 sur un field goal de Hauschka. Ça va finir à la dernière seconde, puis Pete Carroll avec sa gomme et son entrée va courir. Ah, vous mettez Seattle les deux? Ouais, Hoshka il est avec. Il est avec Seattle? Ouais. Hoshka il est avec Seattle? Oui, j'ai raté un but. Ouais, il est avec Seattle. Non, non, Hoshka c'est l'ancien de Walsh. Ouais, c'est qui là? C'est Walsh. C'est Walsh. Ah, Walsh, que. Ben... C'est sûr qu'il va faire le botté. Ah, non, ok, change mon point. Ça, c'est lui qui a raté en série avec. C'est lui qui a raté contre Falcons. Aussi. Et contre Minnesota. Et... Non, ça, c'est. Non, il y a bien des. Il était avec Minnesota, puis il avait raté contre Seattle, puis il faisait moins 28. Oui, c'est ça. Un botté de 18 vers Genève. Ben écoute, ça finit 24-2, là, pour. Tu prends Philly, toi aussi, fait que je suis seul à Seattle. Ouais. Attends, on va faire intervenir Jeff juste une seconde. Mais il met Philly, lui. Tu mets Philly? Tu peux parler, là? Non, il veut pas parler, bon. Il met Philly. Jeff s'est fait denier. C'est fini, Félix. C'est tout? Ben oui, c'est fini. Tout. Ça va vite? Ça va vite. Alors, avez-vous un dernier mot d'encouragement pour les séries, pour tout le monde, pour nos 54 auditeurs? Messieurs, mesdames. Messieurs. Non, pour vrai, un petit mot aux boys de la TMT. C'était une excellente saison, moi, je trouve. Je suis content que ça soit serré. Oui. Je souhaite la bonne chance à tout le monde. Ça va se faire aller sur WhatsApp et sur les réseaux sociaux. Bravo, Will, parce qu'il m'a battu. Et moi, je fais ma prédiction. Vous savez, je suis un gars de prédiction. J'aime ça. Je pense, JP, tu vas être content, mon gars. Là. Je pense que JP, il est en route vers la victoire. Voilà, pour la TMT, nos boys de la TMT. Big League, il m'en fout. Mathieu? Je vais pas dire comme toi. Je vais pas essayer. Fais pas de prédiction si tu veux. Moi, je... Non, moi, je vais y aller avec quelqu'un qui... Je pensais que tu regardais Lloyd pour non, Ruby. Non, je vais y aller. Mais avec Lloyd, parce que moi, je vais perdre en fin de semaine. Tu sais, non, je vais y aller avec un underground Jordan. Oh, j'aime ça. Ouais. J'aime ça. Ah ouais? Ben, je sais pas. Ok, écoute, et moi c'est juste de le mentionner, je sais que je l'ai écrit, mais c'est ma meilleure saison depuis 4 ans. Ah, mais ça, là, on pourrait finir dernier. Mais c'est ça, tu as un petit 2 minutes, je comprends pas comment ça peut être ta meilleure saison depuis 4 ans. L'année passée, j'ai eu une victoire. Ah, oh. Il y a 2 ans, j'étais pas là. Fait que déjà là, tu m'élimines. T'étais pas là dans TMT? Et ouais, j'avais abandonné, j'avais fait une grève. T'as eu beaucoup d'abandon, toi. J'avais fait une grève. Mais t'as mis un peu dedans. C'est... Ouais. Qu'est-ce qui est difficile quand t'es pas dans un fantasy pis que toutes tes chums sont en fantasy? C'est quand tu vas, mettons, en station des sports. Oui, ça t'arrive. Tout le monde dit, hey, toi, Baldwin, contre le boy, c'est du fun. Toi, t'es comme, je comprends pas ce que tu dis. Puis, finalement, j'ai fait, je vais revenir. Ben, aujourd'hui, tu dis encore, je comprends pas ce que tu dis. Mais c'est le cul, mais qui que j'avais ramassé à Mémé ou à. Qui ça? Moi, quand je suis revenu, que la saison de 1-11, on n'avait pas recommencé au complet. Non, t'avais... c'était qui? T'avais-tu Jordi? Parce que... J'avais-tu Jordi? Je sais pas. C'est ton demi-frère. Peut-être mon petit frère, t'avais. Ok, et moi, c'est ça. Parce que Mathieu, il a éliminé des gens. Dans la... il était comme direct au goulag, là. Allez-vous-en de là. Moi, j'ai pas cette... Il avait l'air de Staline, là. Non, mais c'est encore tes amis. Moi, le boy, j'y parle plus, là. Ma Chris, là. Non, mais il restera pas dans une ligue, esti, que j'y parle plus. Mais sur les... Tu as dit, les auditeurs augmentent, il va te pogner à m'amener dans l'émission. Ah ouais, il est sûrement qu'il nous écoute déjà, puis il est genre... il boit du noir comme du yard, là. Wow! Oh, ça bitch! C'est pas... la dernière de la saison, ça finira! Non, mais c'est parce que les autres, ils l'écoutent, je sais qu'ils ont l'écoutent. Je peux-tu y aller pour ma prédiction? J'ai hâte. Vas-y, pas même que nous, là. Non, j'allais pour une prédiction audacieuse. Non, je pense que Will va faire le double. C'est impossible, ça arrive jamais. Ça va arriver. Wow, monsieur Stats, là. C'est-tu déjà arrivé? Ben, je sais-tu. Ben, moi, je sais jamais. Ça fait 3 ans qu'on joue à ça. Ben, c'est plus que 5 ans qu'on fait des fantasy, puis plusieurs par année. J'ai jamais vu ça. Will, juste pour ça, je prends pour toi, mon gars. Non, moi, je pense que ça va arriver. Il y a un bon volume. Ah, désolé, Jim. Et en terminale, on finit pour de vrai. On va vous faire un spécial après les fêtes. Mathieu et moi. Oh boy. On va appeler ça Mousseux et Ricanerie. Fait qu'on vous prépare quelque chose. Restez à l'écoute et écrivez vos commentaires pour la saison 2. Puis ça a été un plaisir. Merci, Félix. Merci, Mathieu. Excellent. Merci, monsieur. Très bonne saison. Monde. Merci, JF. Merci, JF, de ta présence. Et pour la dernière fois, it's a wrap!